Marseille, Crip Street, pas t'es en dessous. J'arrive en Porsche. Pressé comme Goku, toi t'es en dessous. J'arrive en Porsche, donc elle retire les dessous. Bébé m'a dit, faut qu'on les découpe, qu'on les allume. Et non pas de couilles, je réponds yes et en deux, deux, je découpe le reste. Dans ton route, personne t'écoute, connard. Tu rappelles, t'es tout le monde, ton gars. On prend tout, ciao. Laisse les balles, déjà, je suis dans l'allée, à Hedge, je sors. Écoutez pas les mecs de chez moi, les mecs dans le bloc. Il rappelle, c'est mort, le niveau est dorme, non, just chill. J'en connais qui dorment, dorment, dorment, comme des pistolets, non. On prend tout cette année, on prend tout le cash. On prend tout cette année, on prend tout le cash. Il rappelle, c'est mort, le niveau est dorme, non, just chill. J'en connais qui dorment, dorment, dorment, comme des pistolets, non. J'ai sur une massage à plein. Milieu du Barça en Real. Bébé, je suis gazé du White Widow. Mais je suis prêt à prendre sur son terrain. À ce qu'il t'est dangereux, t'es mort. Ta meuf écoute déjà pendant l'île. Un autre, elle connaît les bosses, on est OG. Elle roule ça comme il faut, j'allume. Laisse les balles, déjà, je suis dans l'allée, à Hedge, je sors. Écoutez pas les mecs de chez moi, les mecs dans le bloc. Les rap, mais c'est mort, le niveau est dorme, norme, G. Chaque collègue qui dorme, dorme, dorme, prend des pistolets, non. On prend tout cette année, on prend tout le cash. On prend tout cette année, on prend tout le cash. Les rap, mais c'est mort, le niveau est dorme, norme, G. Chaque collègue qui dorme, dorme, dorme, prend des pistolets.